couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région Lorraine et même de la grande région. Coucou à nos amis d'Alsace, de Marne, d'Ardennes et puis évidemment à vous tous, que vous soyez à Nancy, Metz, Épinal ou dans ce petit patelin d'Agondange. On vous aime aussi. Pierre au micro, je suis ravi de vous retrouver pour ce samedi 13h ou ce dimanche midi, tout dépend le jour où vous nous écoutez. Dans tous les cas, c'est l'heure de l'apéro avec modération ou du manger. Et là, on y va, parce qu'il fait froid. Alors, raclette, choucroute, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, bon appétit, votre estomac est contenté. Ça sent bon dans la cuisine. Votre palais adore ce qu'il est en train de goûter. Et nous, on va vous double nourrir, vous triple nourrir, vous quadruple nourrir, quintuple, sextuple. Mais on s'en fout un peu de votre estomac et de votre palais, parce que d'ailleurs, ça ne nous regarde pas. On va plutôt s'intéresser à votre âme, à votre esprit, à votre cœur. On va vous faire de la musique, mais pas que. On va vous faire de la poésie aux abords du rap, du slam, du spoken word. Et ça, on y reviendra parce que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Une belle atmosphère avec mon invité qui est Vanzem. Salut. Salut Pierre. Ça va ? Ouais, toi ? Bah ouais, ça va. T'as bien aimé cette introduction ? Oui, super. C'était franchement, cool, je me suis délectée de toutes tes paroles. C'est chouette. Tu as été nourrie aussi. Oui, j'ai été nourrie en effet. Et ça me donne faim. Et ça donne faim. Ouais, tout à fait. On est au 94.2 FM à Nancy sur Fadjet.net pour une demi-heure ensemble. Si vous avez raté déjà ces deux premières minutes d'émission, ne pleurez pas, il y aura un podcast. On vous invite déjà à nous aimer sur Facebook, Fadjet-du-6 couleur locale, et à aimer la page Facebook de ma musicienne, ma slameuse. Oui. C'est un peu violent dit comme ça. du jour, donc c'est Vanzem, W-A-N-Z-E-M. Ouais, alors W-A-N-Z-E-M. J'aime bien. Z-E-M. Ouais, j'aime bien piéger. J'aime bien piéger les gens. Non, mais franchement. Voilà. Ça commence bien. Ben oui. Alors toi, tu viens du théâtre. Tout la à poésie, fait. C'est ton kiff. Ouais, alors oui, c'est mon grand kiff. Je viens du théâtre, en effet. Je fais du théâtre depuis toute petite. Mm-hmm. Et on va dire que j'écris. Alors, j'écris pas forcément des poèmes depuis toute petite, mais j'écris des petites histoires depuis toute petite. J'ai commencé par les loups-garous au début, quand j'étais en primaire. Et puis, puis après, j'ai continué. Voilà. Donc oui, la poésie, c'est mon grand kiff. Et c'est aussi surtout un moyen de m'exprimer. Parce que parfois on peut pas tout dire, on peut pas tout dire, on peut pas tout dire. Surtout sur le coup, donc c'est bien de l'écrire et je m'amuse avec les mots aussi, voilà. C'est ça, un tâtonnement, une envie et des écrits à n'en plus finir. C'est ça, que tout à fait. Que faire alors ? Oui. C'est ta description. C'est ça. Et ça vaut 10 000 mots. Laisser la musique rencontrer le théâtre et donner de la couleur à une identité en devenir. Tout à fait. C'est beau. Ah bah merci beaucoup. Bah surtout qu'en plus de ça, cette identité musicale, on va dire que oui, je suis en pleine recherche De ton style. De mon style qui commence un peu à se dessiner. Quand j'étais ado, j'écoutais du hip-hop, j'écoutais du rap. Et c'est vrai, quand j'ai rencontré Benjamin, donc qui a créé Mystic Cave Production et qui m'accompagne musicalement, on a essayé justement de savoir si je pouvais rapper, si je pouvais slammer, si je pouvais justement faire du spoken word, on en parlera. Mm-hmm. Et comme en fait j'aime beaucoup de choses en musique, j'avais pas forcément envie de m'arrêter sur quelque chose en particulier. Donc on a tenté et là tout doucement je commence à entrevoir un peu ce que je veux faire et ce que je veux être musicalement. Donc oui, rester dans le slam, pourquoi pas aborder aussi le chant, je l'aborde déjà dans Tes yeux. Oui, c'est vrai. Et voilà. Donc, et puis rester, on va dire, moi-même, c'est-à-dire que le premier texte que j'ai donné à Benjamin, le vieil homme, je me suis dit, bon, voilà, j'y connais pas grand-chose en musique, mais peut-être que je vais devoir le retravailler, mettre des couplets, un refrain, enfin voilà, faire une vraie chanson. Et puis au final, Benjamin m'a dit, bah non, on va la laisser telle que tu l'as écrite, et puis on verra bien, parce que j'avais pas non plus compté les pieds. Voilà, donc. Et puis au final, je suis rentrée un peu dans le rythme au fur et à mesure. Donc c'est vrai que les premiers morceaux, c'était plutôt du tâtonnement. Et là, de plus en plus, je découvre un peu mon identité musicale. Et on va la découvrir avec toi aussi, puisque Couleur Locale, c'est trois morceaux qui sont diffusés de nos artistes. Donc on aura l'occasion de découvrir ces trois morceaux qui sont sur SoundCloud. Oui, tout à fait. Et également le premier qu'on va écouter qui est clippé sur YouTube. Oui. Donc ce morceau qui s'intitule « Loin d'Hugo, loin de... » Mallarmé. Mallarmé. Ouais, tout à fait. Alors je vais te poser une question. Oui. Tu es prête? Oui, je suis prête. Et il y a deux écoles quand je pose cette question. La question est, de quoi parle ce morceau? Peux-tu teaser pour les auditeurs? Alors soit on me répond... Ben, ils ont qu'à écouter, hein, je veux dire, hein, bon, hein, s'ils écoutent. Hein. Du coup, je rentre chez moi, je suis en PLS sur mon canapé, je ne sors pas pendant deux semaines. Ma famille appelle la police, que se passe-t-il? Bah oui, oui, oui, je comprends. Très triste. Hein. Ouais, ouais. Ou alors, on me répond, ben, on va teaser un petit peu pour les auditeurs, pour les accrocher. Alors, de quoi parle Loin d'Hugo, loin de Mallarmé? Alors, Mallarmé, Loin d'Hugo, loin de Mallarmé parle de poésie. Avant tout, voilà. Mais il faut aussi savoir que c'est un vieux texte que j'ai ressorti, qui prenait un peu la poussière, que j'ai retrouvé dans un vieux carnet de quand j'étais adolescente. Et il y avait plein d'autres textes. Puis bon, au fur et à mesure, je me disais, bon, alors ce texte-là, il n'est pas terrible. Hein. Et je suis tombée sur celui-là. Et en fait, ce que je me suis dit, je vais essayer de le retravailler, donc récupérer certaines phrases et le retravailler avec mon moi de maintenant. Et donc, je suis passée un peu par une certaine écriture automatique, on va dire. Alors, c'est pas une vraie écriture automatique parce que j'ai quand même essayé de faire des rimes, etc. Mmh. Mais justement, m'amuser avec les mots. Donc, par exemple, à un moment donné, je dis bah, « loin d'Hugo, loin de Mallarmé » et je dis « armé de lettres soldats, loin du beau ». Loin de Mallarmé, de Mallarmé, le verbe en fait, voilà. Donc tu vois, je m'amuse un peu avec les mots, mais attention, voilà. Donc c'était voilà. Mais c'était mon but, c'était vraiment. Ça parle de poésie, certes. Voilà, c'est un hommage à la poésie, mais j'avais pas forcément d'envie particulière. Je voulais pas forcément raconter quelque chose. Je voulais juste raconter cette rencontre entre mon moi adolescente, du passé, et mon moi du présent. Voilà. Très bien. Donc c'est un morceau à la croisée des temporalités. C'est ça, tout à fait. Sur Fadjet dans Couleur Locale, c'est Loin d'Hugo, loin de Mallarmé, de mon invité Vanzem, 94 mois de Nancy et Fadjet.net. Elle fait, de loin, partie des piliers de ma vie, ô celle que je nomme à travers tout. Elle est bel et bien hors de ma vue, alors que j'essaie de l'entendre partout. Son règne doit me retrouver, j'ai envie d'être grisée. J'ai la maladie de l'écriture, mais je m'en sortirai, c'est sûr. Je me sens sans cesse inculte, je lui voue sans cesse inculte. Donc, qu'elle me revienne ou qu'elle intervienne. J'ai des démangeaisons, l'envie de la grâce me traverse et je veux me transcender encore une fois. Je suis éphémère, pourtant je touche son éternité du bout des doigts. Je me rapproche et c'est pas ça me nuise, non, qu'on m'aide. Je suis sous son emprise tourbillon. Je m'éparpille sans cesse, pensant sans nul doute à un avenir prometteur. Je fourmille aucune promesse, elle m'a dans son collimateur. J'aimerais avoir plusieurs vies, tellement de projets bousculent mon esprit. J'ai la soif, la rage d'écrire, de m'en brûler les mains. J'ai l'incroyable volonté de réinventer mes lendemains. Angoissée, j'ai un tempérament qui me brise parfois, une personnalité qui m'écrase. Je me perds sans trop me retrouver, j'en oublie toutes mes emphases. Je n'arrive pas à me poser, je crois bien que c'est l'ivresse de la jeunesse qui m'enivre, m'empoigne jusqu'à l'agonie, mais aussi me donne l'envie de vivre, me délivre. L'extérieur me contraint, me tourmente et je perds un peu la tête dans ce brouillard infernal. Les gens se ressemblent et sont différents dans leur comportement. C'est paradoxal, des princes sortis d'un livre de Machiavel ou du miel et ils sont tout doux. Phénomène d'oxymore étrange se déclenche et ne me laisse pas de marbre. Je les aime et je les hais, ils sont rien et ils sont tout. Quel jeu s'ensuit dans cette danse, en silence, dans cette forêt sans armes. Je les fuis, je ne les suis jamais, seulement j'ai besoin de leur compagnie. Il faut que je me fixe un but et que je l'atteigne promptement, telle une flèche tirée par un ange clairvoyant. Non, je n'ai pas l'âme d'un génie. Je veux être quelqu'un de normal, mais toujours hors de la norme. Regarde mon arsenal, je veux pas vraiment être conforme. Les abysses d'une écriture automatique s'ouvrent devant moi. C'est toujours mieux que de perdre ses croyances, sa foi. Prends ma main, mon stylo rature, déchire mes pages. Plus rien n'en sort, pas même une seule image, faire des voyages. Je crois que c'est ça l'objectif, ce sentir entier et non plus du tout approximatif. Pour tous ceux qui vont bien, tous ceux qui ont souffert, atmosphère, univers sont désormais grands ouverts. Les mots, les lettres, les rimes, les poses s'imposent. Les phrases, les vers, les strophes explosent. Les livres, les feuilles, les papiers froissés jaunis marquent un temps passé, pas oublié, à l'abri. Les figures de style écrites sans faire exprès qui seront analysées dans leurs extraits. C'est ça, ma vie. La poésie dans toute sa splendeur. La poésie caduque, pas toute droite, avec tout son cœur. La poésie maladroite, loin du beau, loin de Mallarmé, armée de lettres soldats. Loin du beau, loin de Mallarmé. Loin d'Hugo, loin de Mallarmé, de mon invité Vanzem. Oui. Est-ce qu'on peut dire ton prénom ? Oui, je m'appelle Marie. J'allais dire je t'appelle Marie, mais... Oui, bah tu peux aussi. Tu t'appelles Marie, donc Vanzem, c'est une contraction de ton prénom et de ton nom de famille. Tout à fait. En fait, Vanz, c'est Vanzignac et M, c'est Marie. Enfin, c'est la première lettre. Il ne faut pas se prendre la tête quand même. Ouais. Même quand on fait de la poésie. C'est ça. Bah, en fait, j'ai cherché pendant longtemps... Un blaze, comme on dit. Un blaze. Voilà. Mais au final, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Vanzem, ça sonne bien, je trouve. Ça sonne très, très bien. Donc, tu es sur SoundCloud, sur Instagram, sur YouTube. Une page un peu qui est en reconstruction. Oui, c'est ça. J'attends parce qu'il va y avoir un nouveau clip de Tes yeux, le morceau qu'on va bientôt écouter. Ouais. Et puis, oui, voilà. Après, je vais ressortir les morceaux sous forme d'EP. Voilà. Ah, yes. Ouais. Un EP qui n'a pas de date pour l'instant, mais qui a un nom. Oui, alors le nom c'est Regard. Ah, Regard, avec un S. Tout à fait. Plusieurs regards. Plusieurs regards. Les tiens. Les miens. Ceux des autres. Ceux des autres, tout à fait. Tu m'as devancé. Je t'ai devancé. Voilà, les miens, ceux des autres, parce que c'est un peu l'objectif de ma poésie, c'est que au final, je mets beaucoup de moi. Enfin, d'ailleurs, oui, c'est certain que je mets beaucoup de moi, et je mets beaucoup des autres, en fait, de ce que je peux, de ce que j'ai pu voir, de ce qui a pu m'inspirer, ce qui est logique. Mais voilà, puis je me mets aussi dans la peau de certains personnages. Pas tout le temps, mais voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit plusieurs regards. Et aussi, voilà, il y a aussi, par exemple, dans Tes yeux, on parle de regards, voilà. Et puis après, ça peut être aussi le regard poétique, le regard musical. Voilà, donc au final, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et tous les sens. Et tous les sens. Toutes les paires d'yeux. Bizarre dit comme ça, une paire de yeux, je sais pas comment dire. On écoute Fadjet, couleur locale avec Marie Vanzem, slameuse, poète, qui tu viens pas du tout de là et pourtant tu proposes un truc qui est très cohérent et là-dessus je dois te féliciter. Bah merci beaucoup, merci. Je reçois énormément de musiciens qui viennent de la musique et puis toi tu t'es lancé un pari fou. Oui, tout à fait. En étant bien accompagné, on peut encore citer ton ami Benjamin. Oui. Alors c'est Mystic Cave Production. Ouais. Production. En plus, production. Tu vois, production. Ça c'est super bien. Ouais. 94.2 à Nancy, Fadjet.net, les samedis à 13h, les dimanches à midi, c'est couleur locale. On aime la page Facebook Fadjet-6 couleur locale pour suivre toutes les actualités. Et puis on aime ta page Facebook aussi. Oui. WANZ'EM. Ouais, c'est chiant. Mais il va falloir s'y faire. Hein. Il va falloir s'y faire, je plaisante. Tu parlais d'inspiration, tu es une fan de rap, oui. Slam. Mmh. Alors je ne te ferai pas, je pense, le truc du style « mais est-ce que tu aimes Grand Corps Malade ?» C'est trop la bonne question. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est très difficile de trouver des slameurs connus. Voilà. Je sais. Alors, il y a un morceau qui m'a beaucoup inspiré. C'est un morceau de. Alors, je sais pas si je le prononce bien, mais de John Pooch Chocolat. C'est voilà. Et il est pas du tout connu, mais voilà, John on peut Pooch le trouver. Chocolat. Voilà, et on peut le trouver. Et franchement, je le trouve magnifique. Il utilise les mots à bon escient. Et c'est vrai que c'est un morceau qui m'a beaucoup inspiré. Donc après, il y a Abdal Malik qui utilise aussi du slam. Mais c'est vrai que en tout cas, au niveau slammer, il n'y en a pas beaucoup qui sont connus. Après, il y a beaucoup de rappeurs aussi qui m'ont inspiré, comme Kerry James. qui finalement, quand on l'entend parfois rapper, ça peut s'apparenter sur certains morceaux à du slam, il articule. Et puis sinon aussi Kenny Arcana, enfin voilà, mais là du coup on est plus dans le rap. Des belles inspirations, des belles influences. Spoken word, on en parlait en début d'émission, qu'est-ce que ça veut dire spoken word? Alors spoken word, alors moi ma définition, après je pense qu'elle n'est pas forcément très précise, mais en tout cas de ce que j'en ai compris, c'est des mots qu'on peut ressortir sans forcément de musique derrière. D'accord. Donc ça peut être voilà a cappella. Je crois qu'on n'est pas obligé non plus de faire des rimes. Et en fait c'est plus libre, on va dire, que entre guillemets que le slam. D'accord. Où on a une rythmique, on a une base rythmique, on a des rimes, on a quand même une structure qui est cohérente, si je puis dire, alors que le spoken word, il y a peut-être plus de liberté. Je pense que c'est ça, on va dire, la différence entre le slam et spoken word, mais après, peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, bah, je veux bien qu'on me le dise et qu'on me... Mais je pense que tu as raison dans tes propres raisons. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. On est avec toi, Marie Van Zem, slameuse, SoundCloud, Instagram, YouTube. Le premier morceau qu'on a écouté, Loin du goût, Loin de Malaré, il y a un clip sur YouTube. Le dernier morceau qu'on écoutera, Tes yeux. Il y aura un clip aussi. Et puis entre les deux, on va un peu tatillonner les côtés obscurs de notre psyché. On va partir en borderline. Ouais. Parce que des fois, on est fou. Oui. Un petit peu. On ne sait pas pourquoi. C'est ça. Bon, après, je me suis amusée avec le mot. J'ai répondu à un thème, à un concours de poésie. De poésie, oui, c'est ce que tu expliques. Oui, oui, oui. Alors après, bon, je vais quand même dévoiler le nom du thème. Le thème, c'était frontières avec un S. Ah. Et je me suis amusée. Alors déjà dans le slam. Alors là, pour le coup, je pense que c'est plus du slam. Enfin là. Au niveau rythmique, etc., là, c'est plus du slam par rapport, aux mots scandés. Et donc, dans ce slam-là, j'ai essayé de trouver un peu beaucoup de synonymes du mot frontière. Donc, j'utilise linéaire, j'utilise borné, j'utilise limite. Et justement, j'ai trouvé ça pas mal de le nommer borderline avec un S, parce qu'en fait, on est tous, je pense, un peu borderline quelque part. Effectivement, même vous, chers auditeurs, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. On écoute Borderline de Van Zem sur Fadjet dans Couleur Locale. Étrangère sans trop l'être, être sur terre entre les êtres, nous dévoiler à travers les lettres, toucher l'horizon à travers les fenêtres. Né borné, sans limite ou les dépasser, ne pas attendre derrière la ligne pour se démarquer, déborder pour aller aux confins, à la rencontre des humains et citoyens, séparés par des murs parfois, démasqués parfois, sans armure parfois, déchirer les corps pleins de blessures à la lisière des peines que le monde endure. Étrangère sans trop l'être, être sur terre entre les êtres, nous dévoiler à travers les lettres, toucher l'horizon à travers les fenêtres. Le temps nous apparaît comme linéaire, alors que la terre-mère est circulaire. Une poignée de main pour de meilleurs lendemains, une embrassade avant de reprendre le chemin. Aujourd'hui existe et a existé hier, pas sûr qu'il existera demain. Alors profitons comme on peut sans trop de chagrin. La vie vaut le coup, il faut juste qu'on trouve des refuges. Dans le sourire d'un enfant ou dans les yeux de maman, appelle ça subterfuge. Tous, on y arrivera, on se réinventera de ville en ville. Délimité, illimité, même si tout ne tient qu'à un fil. On se pardonnera et tout sera alors plus facile. Au-delà des mers, on se rapproche comme mars et avril. Étrangère sans trop l'être, être sur terre entre les êtres, nous dévoiler à travers les lettres, toucher l'horizon à travers les fenêtres. Que des solitaires entourés, solidaires, joués, marchons côte à côte et rions à gorge déployés. Un passé commun, un futur à inventer. Ouvrons-nous bien au-delà pour chercher notre vérité. Pas besoin d'être doué en géo. Car si on croit le planisphère, si on s'oriente bien pour faire le tour de la Terre, et si on voyage tous ensemble, alors tout devient plus clair. On peut même partir d'ici pour parcourir l'univers. On peut même partir d'ici pour parcourir l'univers. Borderline, j'ai eu un bug de Vanzem sur Fadjet dans Couleur Locale. Il nous reste 10 minutes d'émission ensemble avant de se retrouver la semaine prochaine, samedi 13h, dimanche midi, 94.2 à Nancy, Fadjet.net pour un nouveau Couleur Locale. Mais on n'a pas fini avec toi, donc on va rester dans le présent. Oui. On aura l'occasion d'écouter le titre Tes yeux. Mm-hmm. Qui est sorti récemment en plus. Oui, il est sorti alors en octobre, je crois. Enfin, fin septembre, mais je l'ai repartagé récemment. Donc c'est bien, on est dans le chaud, on est dans le dru, on est dans l'actualité. Voilà. Alors tu es une poète. Les poètes sont souvent des rêveurs. Oui. Donc on va parler rêve et on va parler train. Alors je vais t'expliquer. Oui. Tu m'as donné tes influences musicales. Mm-hmm. Et moi, je vais te faire jouer un petit jeu. D'accord. Pour voir ce qui pourrait t'influencer et t'inspirer. Je vais te faire deux propositions et tu vas me dire laquelle des deux t'inspirerait le plus un texte, une poésie. D'accord. Est-ce que tu es prête ? Oui. Ok. Tu rentres d'une tournée ou de vacances. Ok. Un voyage éreinté et éreintant. Tu es dans un train. Tu regardes le soleil qui se couche par la fenêtre. Tu entends le cliquetis sur les rails. Et cette ambiance-là t'endort quelque peu, mais t'apporte des images, t'apporte des mots. Peut-être ce soleil qui se couche pour mieux se relever. La vie qui continue, la nuit qui prend la relève du jour, mais c'est pas grave. Peut-être que c'est le train en mouvement qui t'inspire une histoire d'aventure, une histoire de quête ou simplement la haine que ce train a eu 20 minutes de retard, je ne sais pas. Ou tu te réveilles, c'est une nuit somme toute classique, dans une chambre fraîche, mais emmitouflée dans une belle couverture chaude. On aime tous clair-obscur, ça c'est vrai. Sensoriel. Tu te réveilles et tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'il y a eu ce rêve. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce rêve. Mais il y a eu ce rêve et tu sens qu'il y a une inspiration. À vrai dire, tu as peur de perdre ce que tu as rêvé car tu sens que ça va te permettre d'écrire un beau poème, un beau slam. Alors tu te redresses, tu prends ton téléphone, un bloc-notes, un ordinateur et tu t'empresses de noter pourquoi. Parce que tu sais que les rêves ont tendance à s'évaporer dans les premières minutes à l'issue du réveil. Alors, plutôt... Alors, c'est assez difficile. Enfin, c'est pas vraiment difficile, parce que j'ai déjà ma réponse. Parce que, voilà, non, la première, franchement, est très poétique, avec ce soleil couchant, et puis, au final, le temps qui passe. Mais je pense que je prendrai la deuxième, parce que c'est des choses qui m'arrivent très souvent. Du coup, l'expérience faisant... voilà, c'est des choses qui m'arrivent très souvent. Mmh. Et c'est vrai que souvent, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis je me dis, tiens, j'ai une idée, puis je la note sur mon bloc-notes. Et souvent, j'essaye de... Comme je suis, une rêveuse, quelque part, j'essaye de me souvenir de mon rêve pour me dire, bon, attends, il y avait quand même un truc sympa là-dedans... Et puis il m'a semblé si réaliste, mais en même temps non. Il y avait de la poésie. Et donc, ouais, souvent ça m'arrive, ouais. Mmh. Pas chaque nuit, mais on va dire que ça m'arrive, deux, trois nuits par semaine. C'est ça contre ma poésie. Oui, c'est vrai. C'est un truc comme ça. Oui, très, c'est très... Indochine, je crois. C'est Indochine. Très, très bien. Rêveuse, inspirée. Mais en même temps, qui peut faire rêver et inspirer aussi. C'est aussi ça le but de la musique. Et quoi de mieux pour ça que de partager sa musique sur scène avec un public ? Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais faire ? Bah oui, en fait, parce que cette rencontre avec le public, je l'adore. Déjà, de par le fait que je fais du théâtre et c'est pour ça qu'on en fait, en fait. Et puis là, pour le coup, comme au départ, je ne savais pas que j'allais continuer là-dedans, quand j'ai fait mon premier morceau, Le Vieil Homme, je ne savais pas que ça allait tellement m'intéresser, me passionner. Et là, oui, pour le coup, je pense que... Alors, ça va être un sacré exercice. Je pense que je vais devoir pas mal travailler là-dessus. Mais la rencontre avec le public, oui, en effet. Et ça serait, c'est sûr que ça serait cette année. Mais quand ça, grande question. Bah, déjà, à la sortie de l'EP, donc à voir quand est-ce qu'il sort, mais... Voilà, c'est en tout cas, c'est vraiment mon objectif de cette année. Ouais. un objectif que Fadjet va soutenir. Merci à toi, Marie Van Zem, d'avoir participé à cette émission sur Couleur Locale. Bah, merci à toi, Pierre. C'était super, c'était chaleureux. Plaisir partagé. Dans la bonne humeur. Merci. Au 94.2 à Nancy sur Fadjet.net, on rappelle que tu es sur SoundCloud, sur Instagram, sur YouTube, avec Loin du Go, Loin de Malarmé, qui est en clip, le premier morceau qu'on a écouté, Tes yeux, qui sera en clip et qu'on va écouter d'ailleurs à l'instant, et puis un EP Regard avec un S qui devrait sortir incessamment sous peu. Oui, tout à fait. Et du coup, on va partir sur Tes yeux, qui doit, à mon avis, correspondre pas mal à l'identité de l'EP. Tes yeux, oui, Regard, voilà, c'est un peu ça. C'est quelque part le tube, si je puis dire. Enfin, voilà, en tout cas. Le hit, voilà. Non, parce qu'en plus, c'est vraiment. Pour l'instant, c'est la seule chanson qui ressemble au niveau de la structure à une chanson. Il y a des couplets, des refrains, des pré-refrains aussi. Et il y a du chant, donc c'est vrai que le chant, ça plaît beaucoup aux gens aussi. Bien sûr. Donc, et ça permet en fait de faire une sorte de rythme et de mélodie dans la tête. On se dit, ah tiens, ça c'est le refrain. Et ouais, en effet, c'est mon hit pour Regard. C'est ton hit. Eh ben, on écoute ça tout de suite, Tes yeux de Van Zem sur Fadjet, en Couleur Locale. Encore merci à toi. Le podcast sera disponible dimanche, si j'ai le temps, ou mardi, si j'ai pas le temps. Et dans tous les cas, Pierre au micro. C'était un plaisir, on se retrouve le week-end prochain avec un nouvel artiste local. À plus, chers auditeurs. Au revoir. Belle de l'intérieur, mais c'est ça l'essentiel. Tu me vois comme d'autres ne pourraient jamais me voir. Tu me dis que le fait de ne pas voir, c'est le fait de savoir. C'est le fait de savoir. Quand je ferme les yeux, j'essaie de deviner à quoi tu penses. Dans cette obscurité, peut-être que beaucoup dansent. Quand tu me prends la main, tu vois tout ce qui se cache. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu es mon attache. Quoi qu'il arrive, mon amour, je serai tes yeux. On s'en fait de ce qu'ils disent. Ils sont tous jaloux. Les années n'ont pas d'emprise. Nous sommes tous les deux. Je te guiderai parce que je sais que le monde est à nous. J'essaie de deviner à quoi tu penses. Dans cette obscurité, peut-être que beaucoup dansent. Quand tu me prends la main, tu vois tout ce qui se cache. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu es mon attache. Quoi qu'il arrive, mon amour, je serai tes yeux. On s'en fiche de ce qu'ils disent. Ils sont tous jaloux. Les années n'ont pas d'emprise, nous sommes tous les deux. Je te guiderai parce que je sais que le monde est à nous. Ceux des cieux, tu seras le plus grand, le plus puissant des nôtres. tous les trois, on construira un futur incroyable. On regardera devant nous avec une vision honorable. Plus personne n'osera nous dire quoi faire, quoi voir. Ce que l'on verra dans notre âme sera notre espoir. On pourra enfin fermer l'œil de la nuit. Tous les trois ensemble, notre monde épanoui. Notre monde épanoui. Quand je ferme les yeux, j'essaie de deviner à quoi tu penses. Dans cette obscurité, peut-être que beaucoup dansent. Quand tu me prends la main, tu vois tout ce qui se cache. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu es mon attache. Quoi qu'il arrive, mon amour, je serai tes yeux. On s'en fiche de ce qu'ils disent, ils sont tous jaloux. Les ânes n'ont pas d'emprise, nous sommes tous les deux. Je te guiderai parce que je sais